Et tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de ces journées et en particulier à Yvan pour son invitation. C'est toujours un plaisir que de discuter de médailles en sa compagnie. Alors, de toutes les maisons royales, Versailles est celle que le roi a le plus aimée. C'est ainsi que débute la description de la médaille sur Versailles dans l'ouvrage « Médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand » publié en 1702, ainsi que dans la description de la médaille proposée par les membres de l'Académie des inscriptions dans leur registre journal à la date du 7 août 1696. Immanquablement, alors que les académiciens réfléchissent au temps fort du règne qu'il convient d'immortaliser par les médailles, grande œuvre de cette institution qui est alors renaissante, histoire par médaille qui leur permettra d'ailleurs, et sans nul doute, de voir leur institution renouvelée, confirmée par la monarchie et dotée d'un règlement au tout début du XVIIIe siècle, eh bien, les académiciens ne peuvent que retenir cette réalisation du château de Versailles, qui est quant à lui le grand œuvre architecturale du règne, le grand œuvre politique, le réservoir iconographique de la monarchie absolue à son apogée. Enfin, disons plutôt que la construction de Versailles, c'est le palais achevé qui est retenu par les académiciens. La place faite au palais dans l'histoire métallique du règne est finalement assez réduite. Donc la place faite au palais dans l'histoire métallique du règne est finalement assez réduite, alors même que les académiciens ont participé à la réalisation de celui-ci, notamment aux inscriptions de la Galerie des Glaces, académiciens qui se rendent par ailleurs régulièrement à Versailles, et c'est un haut lieu de pouvoir Louis XIVien, pouvoir qu'ils cherchent à éterniser. Économie de réflexion, économie de représentation sur Versailles, d'autant plus étonnante qu'il y a dans la réalisation de celle-ci une publicité à divers titres. Le plus puissant des rois du monde a édifié le plus beau des palais d'Europe. Ce palais est un réservoir iconographique à la gloire de son royal occupant. Les académiciens ont participé, comme je l'indiquais, à l'élaboration en partie des inscriptions de la Galerie des Glaces. Or, on sait que l'œuvre académique est à la fois un instrument glorifiant et éternisant la geste royale, mais valorisant également les académiciens et leur institution dans un moment critique de l'existence de la petite académie devenue Académie des inscriptions et médailles. Alors que relèvent les débats ou justement l'absence de débat sur cette médaille de Versailles? Quelles sont les représentations de Versailles ou l'absence de représentation de Versailles? Bien, que révèlent ces débats sur le fonctionnement de l'institution, sur son rapport à la monarchie, sur le rapport de l'Académie au palais lui-même, sur l'histoire métallique et plus largement sur la monarchie absolue? Alors pour répondre à ces quelques interrogations, dans un premier temps, nous verrons que la médaille de Versailles doit être déclinée au pluriel. Ce n'est pas la médaille de Versailles, mais bien Versailles en médaille au pluriel qu'il faut étudier, ce qui permettra d'aborder les extérieurs du château. Et dans un second temps, nous rentrerons à l'intérieur du palais, puisqu'il est représenté à diverses reprises dans l'histoire métallique de Louis le Grand. Enfin, il nous semblait pertinent dans un dernier temps de mettre ces médailles de Versailles en perspective avec d'autres représentations iconographiques du palais, ce qui permettra de soulever le caractère unique des médailles, mais aussi leur inscription dans un processus plus large d'écriture de la geste Louis XIVienne par l'image. Donc tout d'abord, Versailles en façade. Alors à la page ou au folio 184 de l'in-quarto Médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand, donc qui est à l'instant projeté, publié en 1702, on retrouve la médaille de Versailles qui s'inscrit dans la série métallique officielle du règne. Comme toutes les médailles, la voici donc elle, si je puis dire, donc comme toutes les autres médailles, elle est d'un module de 41 mm et peut être potentiellement frappée dans du bronze, de l'argent ou de l'or. Semaine dernière encore, sur les réseaux sociaux, le centre de recherche du château de Versailles postait une petite mais très jolie vidéo dans laquelle le domaine de Versailles était filmé depuis le ciel. Et le commentaire de cette publication disait que le château semblait avoir été bâti pour être vu du ciel. Bien, il semblerait que 300 ans plus tôt, les académiciens, ou du moins leurs graveurs, Coypel, semblaient déjà partager cette idée. En effet, le palais est vu à vol d'oiseau depuis le sud, au premier plan, le grand escalier descendant vers le bassin de la Tonne, les parterres d'eau avec les deux grands bassins rectangulaires reflétant la façade, alors ici en l'occurrence ils ne reflètent rien puisqu'ils sont mis en eau, on n'aperçoit pas ou vraiment difficilement les sculptures qui ornent ces bassins, notamment les sculptures des fleuves. Et de part et d'autre, valorisant les deux ailes du château, les parterres du nord et du midi, autrement appelés jardin des fleurs, avec leurs bassins circulaires. Notons également, sur ce premier plan donc, de la médaille, la présence de promeneurs et d'un bige, donc d'un char tiré par deux chevaux. Au second plan, C'est le château lui-même, avec en son centre la galerie des glaces que l'on peut observer, l'aile du Midi ou aile des Princes, dont l'achèvement marque l'installation de la cour à Versailles, et l'aile Nord, qui ne sera terminée qu'en 1689, la médaille étant datée de 1680, je reviendrai dans un instant, mais elle a été produite, comme toutes les médailles de la série métallique, dans les années 1690, donc l'aile Nord était bien terminée au moment où les académiciens ont réfléchi à l'élaboration de cette médaille. Bref, c'est la majestueuse façade sud ouvrant sur les jardins qui est ici représentée, mais également la cour de marbre, les petites et grandes cours avec leurs grilles respectives et les bâtiments réservés au ministère et aux appartements des courtisans. Enfin, on aperçoit au dernier et troisième plan les artères de la ville ainsi que les deux écuries royales. La légende, Regia Versaliarum, signifie château royal de Versailles. La description de la médaille proposée par les académiciens dans le livre de 1702 reprend ses caractéristiques dans les grandes lignes. De toutes les maisons royales, Versailles est celle que le roi a le plus aimé et qu'il a le plus embelli. Il a rassemblé tout ce que l'art et la magnificence peuvent faire voir d'extraordinaire et de surprenant. On y trouve des édifices si somptueux, des jardins si agréables et si variés, des eaux si abondantes, des aqueducs d'un travail si prodigieux et une si grande multitude de riches ornements et de beautés différentes qu'il faudrait plus d'un volume pour les décrire. Non seulement le roi y est superbement logé, mais les princes, les seigneurs et tous les officiers y ont appartements également commodes et magnifiques. Enfin, le séjour de Sa Majesté y a attiré tant de monde et fait bâtir tant de maisons qu'elle est devenue une ville fort peuplée et fort considérable. C'est le sujet de cette médaille. On y voit la face du château de Versailles comme elle est du côté des jardins. Les mots de la légende, Regia Versaliarum, signifie château royal de Versailles, à l'exergue est la date de 1680, qui est à peu près l'année où ce palais se trouva dans sa perfection. Le texte est surmonté d'une gravure de la médaille en question, alors qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais c'est ici donc le in quarto. Le texte est également soutenu par une sorte de cul de lampe qui représente un soleil radiant surmonté d'un dé, le roi soleil sans doute en sa demeure. La présentation est classique, si ce n'est, disons, la finesse de ce cul de lampe qui contraste avec d'autres beaucoup plus simples dans l'ouvrage. Une étude avait d'ailleurs été proposée à ce sujet lors de nos premières journées d'études en 2015. La médaille donc, et sa description sont par ailleurs précédées par deux thématiques militaires, ce qui est un peu le grand ordinaire des médailles Louis XIViennes. Donc, la médaille avant celle de Versailles représente 60 000 matelots levés et entretenus, et la médaille qui suit celle de Versailles est la fortification de Huningue. Particularité à souligner, la médaille de Versailles est la dernière qui porte le sixième portrait du roi dans l'histoire métallique. Celle qui représente le roi, donc de 1673, prise de Maastricht, à 1680, château de Versailles. La médaille d'Huningue offre donc un nouveau portrait du monarque. Or, depuis les travaux de Louis Marin et ceux de Joseph Jacquiot, on sait l'importance de ce portrait, qui donne toute sa valeur politique, voire sacrée à l'objet. Un portrait du roi qui permet aussi de dater l'événement, et non l'inverse. Médaille de Versailles et occupation du palais de Versailles par le roi et sa cour marque donc un tournant dans la vie et le règne de Louis XIV, ainsi que va en témoigner son histoire métallique par la rupture dans le portrait. Mais revenons, si vous le permettez, un moment sur le contenu de la description de la médaille par les académiciens. De toutes les maisons royales, Versailles est celle que le roi a le plus aimée, comme débute la description. Si l'on suit le raisonnement des académiciens, Versailles, même si elle est la plus aimée des demeures royales, ne s'inscrit donc et finalement que dans une série de lieux de pouvoir, le Louvre, Fontainebleau, Compiègne. Et il est vrai que lorsque l'on se penche plus avant sur l'histoire métallique, ces différentes résidences royales, le lieu d'émission dédié et d'ordonnance, sont bien présentes. Ainsi, les références textuelles et iconographiques faites au Louvre sont sinon plus nombreuses, du moins tout autant que les occurrences faites à Versailles. Certes, comme Versailles, le Louvre est peu représenté en extérieur, si ce n'est dans la médaille que Inès nous a montrée tout à l'heure, qui représente donc le roi protecteur de l'Académie française, 1672, qui représente Apollon en pied, donc tenant sa lyre, avec au fond de la représentation la façade principale du palais du Louvre. En revanche, les représentations d'événements ayant pour scène les intérieurs du Louvre sont nombreuses. Par exemple, le roi accessible à tous ses sujets en 1661. La scène se passe dans le Louvre. Droit de préséance reconnu à l'Espagne, 1662. La scène se déroule également à l'intérieur du Louvre. Scène qui est d'ailleurs reprise sur les plafonds de la galerie des glaces. La nouvelle ordonnance de 1667. De même pour Fontainebleau, la médaille représentant l'audience du légat en 1664, donc est représentée en médaille. Quant à Compiègne, il n'y a pas de référence directe au palais, mais à la ville, dans la médaille sur le camp de Compiègne, autrement appelé Jeu de Compiègne, lorsque le roi réunit sa cour à Compiègne, organisant un siège fictif de la ville pour parfaire l'éducation militaire du duc de Bourgogne, la médaille porte à l'exergue la date de 1698. Pour ces divers événements, la date ou le lieu ne peuvent tromper sur l'endroit où se déroulent les scènes mentionnées, en dépit d'un décor qui finalement est somme toute assez banal, la présence d'un trône ou d'un fauteuil, de tentures, etc. L'histoire métallique est également ouverte à d'autres édifices importants du règne. Inès l'a encore une fois rappelé tout à l'heure, le Val-de-Grâce, les Invalides, Saint-Cyr, etc. Notons que si les différents lieux de pouvoir apparaissent dans l'histoire métallique, comme de juste, puisque c'est une histoire qui veut être une figuration au plus proche de la réalité, Versailles est pour ainsi dire le seul palais royal à faire l'objet d'une médaille à part entière, et même de deux médailles, nous en reparlerons d'ici quelques minutes. La description des académiciens se poursuit par l'évocation des embellissements apportés par Louis XIV, transformant le petit château de son père Louis XIII, relais de chasse, en nouveau palais, cité administrative de son royaume. Plus bas, les académiciens écrivent encore « On y trouve des édifices si somptueux ». Alors sur la médaille, donc nous l'avons dit, il s'agit de la longue et majestueuse façade sud du château, et à l'arrière-plan, les écuries, mais qui sont à vrai dire à peine visibles sur cette médaille. Plus bas encore, les académiciens continuent à décrire leur médaille en disant « Des jardins si agréables et si variés, des eaux si abondantes, des aqueducs d'un travail si prodigieux, et une si grande multitude de riches ornements et de beautés différentes ». Alors force est de constater que la médaille ne figure qu'une menue partie des jardins, des parterres d'eau. On sait pourtant l'importance capitale que le monarque accorde à ces jardins. Les eaux abondantes dont parlent nos académiciens se résument ici à deux bassins. Quant aux riches ornements, ils sont pour ainsi dire invisibles, sans doute est-ce une référence au bronze qui représente les fleuves sur les bassins, ou encore aux enfants au sphinx. Quant aux aqueducs, ils sont carrément absents de cette représentation. Certes, le texte rend visible l'invisible, mais on peut toutefois légitimement s'étonner de la place fort limitée réservée aux extérieurs de Versailles dans l'histoire métallique, alors même que le roi peut parfois être représenté sous les traits du jardinier, exemple dans une médaille qui est discutée par les académiciens sur l'accession du duc d'Anjou à la couronne d'Espagne, et que l'on sait surtout à quel point la domestication de la nature est utilisée comme reflet de la bonne gouvernance. Dans cette histoire métallique, rien sur l'orangerie, rien sur le grand canal, encore moins, j'ai envie de dire, sur le potager, rien sur les bosquets. Quant à l'aqueduc de Maintenon qui alimente le parc de Versailles, tout au plus fait-il l'objet d'une représentation sur un jeton en cuivre des bâtiments du roi où on le voit en travaux. Voilà, donc c'est la représentation du haut. Au passage d'ailleurs, ne négligeons pas ces jetons qui circulent bien davantage que les médailles. Versailles est d'ailleurs également représenté en façade. Et comme pour légitimer donc cette économie de représentation du château, ou en tout cas s'en dédouaner, on comprend évidemment que sur une médaille d'un module de 41 mm, il soit difficile, voire impossible, de faire figurer de manière précise les divers lieux curieux de Versailles. C'est d'ailleurs pour essayer de faire au mieux, sans doute, que les académiciens ont choisi d'en représenter une vue à vol d'oiseau. Mais l'histoire métallique aurait néanmoins pu consacrer des médailles à part entière à ces jardins. Les académiciens écrivent qu'il faudrait plus d'un volume pour les décrire. Donc sans doute moyen, disais-je, de se dédouaner. D'une certaine manière, ils reconnaissent donc ce manque particulier dans leur ouvrage. Mais ils rappellent aussi indirectement les contingences de rédaction des notices du livre des médailles. Elles ont dû être toutes révisées pour être raccourcies à des fins de publication. Les académiciens en viennent ensuite à l'une des fonctions centrales de Versailles. Je cite, « Non seulement le roi y est superbement logé, mais les princes, les seigneurs et tous les officiers y ont appartement également commode et magnifique. » Donc c'est ici la curialisation, la domestication de la noblesse autour du souverain qui est abordée. La mention d'appartement commode et magnifique est néanmoins tout à fait discutable, notamment lorsque l'on lit les travaux de William Ritchie Newton sur ceci, mais c'est là une autre histoire. Enfin, les académiciens évoquent encore dans leur description le développement de la ville de Versailles, qui est quasi inexistant sur la représentation donc de Versailles en médaille, si ce n'est par la figuration des grands axes qui conduisent à l'entrée du palais depuis Paris. Comme le soulignait Noël Dauphin dans une de ses études, les agrandissements du château entrepris par Louis XIV ont conduit de 1672 à 1682 à la destruction du vieux village de Versailles. Donc ici, ce qui est retenu, ce sont les avenues centrales, les avenues prestigieuses, espace qui n'était pas superflu au regard de l'extension des écuries dès le XVIIIe siècle. Dans les médailles, les villes sont plus souvent figurées par des femmes saines de couronne murale, par des vues cavalières, par des plans. Pour conclure, et comme dans les autres descriptions du livre des médailles, les académiciens reviennent sur les inscriptions portées sur la médaille. Les mots de la légende, disent-ils, Regia Versaliarum, signifie château royal de Versailles. À l'exergue est la date de 1680, qui est à peu près l'année où ce palais se trouva dans sa perfection. L'à peu près de la datation est curieux. Le roi va occuper le palais de manière régulière à partir de 1682 et le chantier se poursuit, pour ainsi dire, de manière permanente. Comment les académiciens pourraient-ils l'ignorer, eux qui se rendent de manière régulière à Versailles ? Alors, y a-t-il ici une volonté de parfaire l'image royale en donnant le sentiment que la réalisation du palais est achevée en 1680 ? Ou encore l'impossibilité de dater réellement l'achèvement de ce palais qui est, pour ainsi dire, sans cesse en travaux ? D'ailleurs, comme je le signalais tout à l'heure, notons que les deux ailes sont représentées sur la médaille, alors même que l'aile nord n'était pas terminée en 1680. Pour mieux comprendre la réalisation finale de la médaille, il nous faut donc revenir aux sources, et en l'occurrence au registre journal de l'Académie des inscriptions. Alors disons tout d'abord que la médaille de Versailles, dans les procès-verbaux de l'Académie, ne génère ni longue discussion, ni réel débat académique. Du moins, c'est ce que reflètent ou ce que veulent refléter les procès-verbaux académiques. Si les débats apparaissent souvent polissés dans les procès-verbaux, il n'est pas rare qu'on voit quand même des académiciens qui bataillent fermement, par exemple, sur les inscriptions à retenir. Et il y a certaines médailles qui posent problème, comme celle, par exemple, sur l'évocation de la mort de Louis XIII, sur laquelle j'avais travaillé pour notre précédent colloque. Une médaille qui posait problème aux académiciens qui ne savaient trop que faire figurer dessus et qui avait consacré 3, voire, si je ne m'abuse, 4 séances à l'élaboration de cette médaille sur la mort de Louis XIII. Il n'en est rien pour Versailles. Un seul procès-verbal mentionne la question, celui du mardi 7 août 1696. L'Académie se réunit comme à l'ordinaire pour une de ses 2 séances hebdomadaires. Les académiciens sont au nombre de 7, Charpentier, Boileau des Préaux, Toureil, Renaudot, Dacier, Talmant et Coipel. Comme à leur habitude, ils commencent par discuter de dessins de médailles, et notamment de dessins de médailles sur des faits militaires, notamment les prises des villes d'Oudenarde et de Douai. Puis seulement, ils en viennent dans le déroulement de la séance à la médaille de Versailles. Je cite le procès-verbal. On a examiné la description faite par M. l'abbé Talmant de la médaille sur Versailles, et elle a été arrêtée. Suit une gravure de la médaille et un texte relativement similaire à celui du livre des médailles. Si ce n'est a priori une légère différence, mais qui en fait est une différence fondamentale, capitale, car c'est la description de la médaille elle-même. Voilà ce qu'en dit le procès-verbal. C'est le sujet de cette médaille. Le château de Versailles est représenté tel qu'on le voit du côté des jardins. On lit dans la légende ces paroles dont Virgile s'est servi pour exprimer l'affection particulière que Junon avait pour Carthage, où elle faisait son principal séjour, « Colvit magis omnibus unam ». Ce qui fait entendre que le roi a choisi Versailles pour sa demeure ordinaire et que c'est la maison qu'il a préférée à toutes les autres. À l'exergue, on lit Versaliae, Versailles. L'inscription est donc radicalement différente de celle qui a été retenue au final, puisqu'il n'est plus simplement mentionné Regia Versaliarum, mais Colvit magis omnibus unam, en référence à des vers de Virgile. Alors comment expliquer ce changement ? Au final, les modernes peuvent l'avoir emporté sur les anciens lorsqu'il aura fallu arrêter définitivement le contenu de la médaille pour l'histoire métallique. Ou encore, comme le rappelle Peter Burke, en 1679, programme mythologique initialement prévu pour la Galerie des Glaces centrée sur le personnage d'Hercule fut remplacé par une série de représentations des actes du roi lui-même. Les médailles, produites en nombre croissant à cette époque donnent également du roi une représentation directe plutôt qu'allégorique. Donc ici, représentation directe plutôt qu'allégorique du palais, donc de l'inscription qui est retenue à cette fin. Alors cette médaille, décrite par les académiciens lors de leur séance du 7 août 1696, si elle n'a pas été retenue au final pour le livre des médailles et pour la série uniforme, a bel et bien existé. C'est la médaille donc que Inès a projeté également tout à l'heure, qui est une médaille qui a été gravée par Mollard en 1687 dans un module de 72 mm. Elle représente la face sud du palais avec les parterres d'eau et les deux bassins rectangulaires, ainsi que de la statuaire et des promeneurs. Cette médaille, elle est également répertoriée par Claude-François Ménétrier dans son Histoire du règne de Louis le Grand par les médailles, emblème de vice-jetons publié en 1694. La médaille est répertoriée sous le numéro 83. Elle est ainsi décrite par le célèbre jésuite. Ses bâtiments, dit-il, et ses jardins font assez connaître Versailles quand son nom ne se verrait pas dans l'exergue. La légende dit que le roi l'a choisi pour sa demeure la plus ordinaire et la plus agréable. Ménétrier critique donc à demi-mot cette réalisation médaillistique, du moins l'exergue de celle-ci qui mentionne Versailles, laissant entendre que la réputation de la façade et de ses jardins, de Ménétrier, suffit à elle seule pour reconnaître le palais sur la médaille. La publication de l'ouvrage de Ménétrier date de 1694. Il y répertorie des artefacts du règne de Louis XIV et on sait qu'il existe une contrefaçon de cet ouvrage de Ménétrier, dont nous avions eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, de parler lors d'un colloque organisé par Gérard Sabatier, je parle sous contrôle, à l'occasion des 300 ans de la mort de Claude-François Ménétrier. Donc le procès-verbal du débat académique date de 1696. Les académiciens n'ont donc pas pensé la médaille de Versailles dans les réflexions sur la mise en scène des grands événements du règne à faire figurer dans l'histoire métallique, mais ils se sont tout simplement contentés de reprendre une médaille déjà existante, datant des années 1680. Or, le travail académique a été relancé dans les années 1690, précisément en réaction à l'ouvrage de Claude-François Ménétrier. En effet, la couronne semble indisposée face à l'ouvrage du jésuite, alors même qu'une institution royale, la Petite Académie, avait été fondée près de 30 ans plus tôt pour remplir cette tâche. Qui plus est, je le disais à l'instant, l'ouvrage de Ménétrier est contrefait, portant des médailles dites scandaleuses, et le pouvoir s'inquiète donc de la diffusion de ces images critiques du souverain. Elle refuse, donc la monarchie, de laisser la rédaction de l'histoire du monarque entre les mains d'un particulier, fût-il le brillant père Ménétrier. Double erreur donc de l'Académie d'avoir repris une médaille déjà existante, qui plus est répertoriée par Ménétrier. Conclusion. La médaille est réformée avant d'être introduite dans l'histoire métallique définitive. Si les inscriptions étaient assez différentes, les deux Versaliae ou les vers de Virgile, en revanche, les représentations étaient, elles, quant à elles, assez proches, en dehors peut-être du... Donc voilà les deux représentations. Donc en dehors du fait que sur l'une des médailles, on ne voit pas l'arrière-plan et que sur l'autre, c'est un ensemble plus large qui est embrassé par la représentation. Le diamètre qui change, la médaille donc de Mollard fait 72 mm alors que la médaille de la série uniforme est au module habituel de 41 mm. Ce qui change aussi accessoirement, mais ça a son importance évidemment, c'est le portrait royal, puisqu'on n'a plus un portrait classique de l'histoire métallique, mais on a ici un superbe portrait du roi, portant donc une ample perruque, lorée, une cravate et un buste, une cuirasse à l'antique. Je dirais superbe dans la mesure où, qui plus est, le module est très large, donc ça donne évidemment un aspect beaucoup plus majestueux que sur la série métallique à 41 mm. Alors, autre petite différence, on voit donc que la ville a été remplacée ici sur la médaille donc de Mollard par un ciel. Un ciel qui n'est traversé que par quelques nuages. Alors, allons voir à présent, si vous le voulez bien, ce qui se passe derrière la façade. Après avoir abordé Versailles depuis ses extérieurs, une fois à présent, nous introduire dans le palais. Comme pour les autres résidences royales, dont le Louvre et Fontainebleau cités un peu plus haut, les académiciens ont repris plusieurs fois des vues intérieures du château de Versailles, quand la figuration des événements sur lesquels ils réfléchissaient évidemment le nécessitait. On citera dans le livre des médailles les pages 194 sur les appartements, 1683, la soumission de la République de Gênes, 1685, les ambassadeurs de Siam, 1686, la promotion de chevalier du Saint-Esprit, 1689, les trois batailles gagnées, 1690, l'hommage rendu par le duc de Lorraine, 1699, ou encore, pour la dernière, l'avènement de Monseigneur le duc d'Anjou à la couronne d'Espagne, 1700. Serait bien long et sans doute indigent, surtout à cette heure, de revenir sur chaque débat académique et texte retenu, ainsi que sur chaque représentation de la publication papier. comme on l'a fait par ailleurs pour les deux extérieurs dans ce premier temps de la communication. C'est pourquoi, en dehors de quelques lignes caractéristiques sur lesquelles nous allons revenir, nous avons fait le choix ensuite d'étudier plus avant la médaille célébrant la visite des ambassadeurs de Siam en 1686. Alors commençons par évoquer la médaille sur les appartements, donc c'est celle-ci. Le roi, afin d'augmenter les plaisirs de la cour, voulut que ces appartements fussent ouverts certains jours de la semaine. Il y a de grandes salles pour la danse, pour le jeu et pour la musique. Il y en a d'autres où l'on trouve toutes sortes de rafraîchissements avec profusion, et ce qui fait le comble de la joie, on y jouit de la présence d'un si grand roi et d'un si bon maître. Donc c'est la médaille qui est projetée à l'instant. Outre la description sommaire des grands appartements, le texte souligne que le roi a fait de Versailles sa demeure régulière. La médaille donc est datée de 1683, enfin l'exerte porte la date de 1683. Ce qui accentue encore du coup l'étonnement sur la fameuse exerte 1680 sur la médaille représentant l'extérieur de Versailles. On y voit, dit la médaille, dans une dans une espèce de salon magnifique, trois divinités. Comme pour la médaille de Versailles, la page du médaillé papier était ornée d'un cul-de-lampe de belle facture, qui reprend quasiment les mêmes motifs que le cul-de-lampe, donc représentant la médaille de Versailles, si ce n'est que le soleil radiant est devenu un soleil couchant, donc représenté à moitié, et invitant donc au plaisir mentionné par cette médaille. Nous l'indiquions précédemment, il ne fait aucun doute que les médailles retenues figurent les intérieurs de Versailles, car les descriptions sont claires à ce sujet. Versailles, soit dit en passant, est d'ailleurs parfois évoqué dans les descriptions de médailles, sans pour autant être représenté en quelque façon que ce soit dans la médaille. Exemple, sur la médaille de la mort de la reine Marie-Thérèse, la description précise, elle, donc la reine Marie-Thérèse, mourut à Versailles dans la 45e année de son âge. La médaille représente un décor de pompe funèbre, mais rien ne laisse penser que la scène a lieu à Versailles. Par contre, le texte évoque Versailles. Le festin donné à Paris après la guérison du roi, donc le roi vint de Versailles à Paris, nous dit la description de la médaille, ou encore la médaille sur l'établissement de Saint-Cyr, qui précise établissement de Saint-Cyr près de Versailles. Alors pour revenir sur les intérieurs, par exemple sur la soumission donc, de la République de Gênes, la description de la médaille précise que il, au pluriel, donc le doge et quatre sénateurs génois, eurent audience à Versailles au milieu d'une grande assemblée de seigneurs et d'un grand concours de peuple que la curiosité avait attiré pour voir ce qui jusqu'alors n'avait point eu d'exemple. Alors je profite de la projection de cette médaille pour attirer votre attention sur le fait que la description précise qu'il y avait un fort rassemblement de personnes pour assister à cette scène qui ne sont pas représentées sur cette médaille. On verra que c'est exactement ce qui se passe lors de l'ambassade des représentants de Siam. Mieux, la scène donc se déroule, nous précise la description, dans la galerie des glaces. Le doge et les sénateurs avaient leurs habits de cérémonie. Le roi les reçut sur un trône, le fameux trône d'argent, élevé au bout de la grande galerie. Celle sur la réception donc des ambassadeurs de Siam précise, dans la description, qui eut audience du roi à Versailles, ou encore un peu plus bas, on y voit la galerie de Versailles, le roi sur son trône. Quant à la médaille sur l'hommage rendu par le duc de Lorraine pour le duché de Bar, la description précise « Il vint à Versailles où il prêta le serment de fidélité d'homme-lige. Néanmoins, dans cette dernière médaille, aucun faste, mieux aucun objet qui ne permette de définir que nous sommes ici à Versailles et encore moins du coup dans quelle pièce du palais se déroule la scène. » On y voit, nous dit la description, le roi couvert et assis dans un fauteuil. Il tient entre ses mains les mains jointes du duc de Lorraine qui est à genoux. Louis XIV est effectivement assis dans un fauteuil, pas de dé, pas de degré. L'extrême simplicité de la représentation contraste avec celle des autres scènes d'intérieur, notamment celle que l'on vient de voir sur les Génois. Même l'arrière-plan est pour ainsi dire uniforme. Alors sur la gravure du livre des médailles, on aperçoit tout au plus un fin lignage horizontal, mais qui est en fait utilisé par le graveur pour faire ressortir la scène qui est en premier plan. Et évidemment, ce lignage horizontal, il disparaît complètement de la réalisation métallique. Donc rien qui permette de distinguer dans quelle pièce nous sommes. Il faut alors se tourner vers d'autres sources qui précisent que la scène se déroule dans le salon du roi, c'est-à-dire là où Louis XIV s'habille en public, où il reçoit la cour et organise certaines cérémonies ordinaires. Lieu connu, lieu reconnu des académiciens, voilà peut-être pourquoi ils ne cherchent pas à le définir ou à le distinguer davantage sur cette représentation métallique. Cette économie de décors, d'objets, est néanmoins surprenante et d'autant plus surprenante de la part d'académiciens qui connaissent bien le château de Versailles pour s'y rendre assez régulièrement en délégation, comme en témoignent les procès verbaux de l'Académie. Par exemple, dans le registre journal, le samedi 10 juillet 1694, on a la mention « Monsieur l'abbé Mignon a mandé que Monsieur de Pontchartrain les approuvait, donc des dessins de médailles, et qu'il ferait l'honneur à la compagnie de la convoquer chez lui à Versailles un de ses jours ». Le procès-verbal du 23 juillet, donc quelques jours plus tard, précise que, alors il y a le nom des académiciens qui sont reçus, s'y sont trouvés, donc messieurs Despréaux s'étant excusés, etc. Monsieur de Pontchartrain examinait les dessins de médailles pour trois actions de Catalogne. Donc c'est une des mentions de visite d'académiciens de l'Académie des inscriptions à Versailles, mais elles sont évidemment plus nombreuses, les occurrences sont plus nombreuses dans les procès-verbaux. Donc, surprenant que cette économie d'image ou de faste pour représenter Versailles, sinon peut-être vous disais-je que ces académiciens connaissent bien le palais et que donc ils considèrent que cette économie ne porte pas atteinte à la bonne lecture de ces représentations. À commencer donc par le premier d'entre eux, le président, donc l'abbé Bignon, qui se rend régulièrement pour des comptes de l'activité académique auprès de Pontchartrain et du roi lui-même. Est-il par ailleurs nécessaire de rappeler qu'un certain nombre de ces académiciens sont des courtisans que je qualifierais d'ordinaires, comme Racine par exemple. Enfin, deux textes de médailles n'évoquent pas explicitement Versailles, alors que les scènes s'y déroulent. La promotion des chevaliers du Saint-Esprit, qui se déroule donc dans la chapelle de Versailles en 1689, ici représentée, et l'avènement de Philippe V à la couronne d'Espagne. Alors que ce soit dans l'une comme dans l'autre des médailles, la qualité des intérieurs ne laisse aucun doute sur les lieux, de hautes fenêtres, des dés surmontant le roi ou encore ici le roi et son petit-fils, des sols en damier qui témoignent de l'ordre régnant dans les lieux. Par ailleurs, on sait que Philippe d'Anjou, roi d'Espagne, donc, a occupé un temps les grands appartements de Versailles. Le salon de la guerre devient alors la salle des gardes, le salon d'Apollon, la salle du trône ou son antichambre, et le nouveau roi d'Espagne dort dans le salon de Mercure. Ici, la scène se déroule probablement dans le salon d'Apollon, et on aperçoit des courtisans curieux qui se pressent à la porte de jonction avec le salon de la guerre, donc à l'arrière-plan. Enfin, espace sans doute plus singulier et une des perles architecturales de Versailles, la chapelle royale ne donne pas lieu à une médaille, sinon à cette cérémonie donc de remise de l'ordre du Saint-Esprit, mais qui ne précise même pas dans sa description donc, que la scène se déroule dans la chapelle royale. Finalement, quand les événements sont représentés en intérieur, que ce soit à Versailles, au Louvre, ou encore par exemple à l'hôtel de ville de Paris, les figurations sont très proches les unes des autres. On retrouve un sol géométrique, symbole d'ordre, de hautes ouvertures vitrées, et surtout, de manière récurrente, un instrument de pouvoir, même si Béatrix Sol a bien montré dans une étude l'ambiguïté de cet objet sous le règne de Louis XIV, c'est le trône. Que le monarque soit debout ou assis, tête couverte ou non, il est souvent placé sous un dé et au-dessous ou au pied de degrés, ou encore plus simplement assis dans un fauteuil. Après ce tour d'horizon rapide, revenons pour quelques minutes plus en détail sur une médaille et un événement qui nous permettra donc une mise en perspective des représentations de Versailles, celle de l'ambassade de Siam. Alors sur l'ambassade de Siam, donc, qui a lieu au début du mois de septembre 1686, on sait qu'elle était l'occasion d'installer le nouveau mobilier d'argent de Versailles qui apparaît sur la représentation métallique. Celui-ci donc est clairement représenté sur le côté droit de la médaille. Les ambassadeurs sont reçus le 1er septembre, alors même que le roi est souffrant, puisque depuis février 1686, il souffre d'une fistule anale opérée en novembre de la même année. Évidemment, la description de la médaille ne fait aucune allusion à cette maladie. Non pas qu'évoquer les pathologies royales soit interdit, que du contraire, elle rappellerait que le roi continue à remplir ses obligations en dépit de son corps souffrant. Les études de Stanis Pérez, notamment sur la question, montraient comment les maladies royales étaient aussi un moyen de valoriser finalement cette gloire Louis XIVe. Mais sans doute, les académiciens ici ne veulent pas mélanger événements diplomatiques d'ampleur, cette réception des ambassadeurs de Siam, et histoire corporelle du monarque. D'ailleurs, certaines médailles font état des maladies du roi, ou plutôt de ses guérisons. C'est le mardi 8 avril 1698 que les académiciens se sont penchés sur la confection de cette médaille. On a examiné la description faite par M. Feuquinot de la médaille sur l'audience des ambassadeurs de Siam, et elle a été arrêtée. Les différences entre le texte retenu en 1702 et celui travaillé en 1698 sont des différences tout à fait mineures. Pas de changement dans l'inscription. On retiendra seulement que la publication de 1702 indique une protection particulière que ce prince, donc Franarail, prince donc de 1657 à 1688, protection que ce prince donnait dans son royaume aux missionnaires d'Europe. Dans un premier temps, les académiciens avaient pensé, comme le montre le registre journal, à indiquer donc dans la publication, aux missionnaires d'Europe pour la propagation de la religion chrétienne. Alors nous avons montré dans le travail sur la médaille de la mort de Louis XIV que quand les académiciens pouvaient éviter de faire de la religion, enfin d'aborder des thématiques religieuses, eh bien ils évitaient ils étaient à peu près sûrs de ne pas être censurés. Mais je crois que nous reviendrons sur ces questions demain ou après-demain dans nos journées. Donc peut-être ici, dans le texte final, la mention de religion chrétienne a été supprimée pour cette affaire. N'oublions pas par ailleurs que la médaille représente un événement qui a eu lieu en 1686, année tout à fait particulière sur le plan religieux, s'il en est. Les autres différences entre le texte proposé par le procès-verbal et le texte retenu par le livre des médailles n'apportent pas d'éléments de compréhension particuliers quant à l'élaboration de cette médaille sur l'ambassade de Sienne. Pour revenir sur le contenu de cette médaille, les académiciens ont retenu la scène de prosternation des ambassadeurs au pied du trône dans la Galerie des Glaces. Les ambassadeurs disent « On voit la Galerie de Versailles, le roi sur son trône, au pied duquel sont les ambassadeurs du roi de Siam. On ne voit pas la fameuse lettre du souverain de Siam, pourtant au cœur de toutes les attentions. Les ambassadeurs, dans le carrosse qui les mène de Brest à Paris, avaient d'ailleurs placé cette lettre sur une planchette pour qu'elle soit toujours placée au-dessus d'eux, comme le rappelle Lucien Belli dans un article qu'il avait consacré à la question. » Pour réaliser cette médaille, les académiciens ont pu faire appel à leur mémoire. Quinault, le célèbre librettiste de Lully, est celui qui avait pensé dans un premier temps, donc avant sa mort, à la confection de cette médaille. Ils ont pu s'inspirer de la relation des événements, notamment de la relation proposée par le Mercure Galant, qui a consacré des pages spéciales de la Gazette donc à l'événement, à cette ambassade de Siam, et qui y avait même ajouté une gravure, donc qui a peut-être pu servir d'inspiration aux académiciens. Il nous semble intéressant de comparer cette réalisation donc médaillistique aux diverses relations de l'événement par les mémorialistes, dont ce que nous en rapporte le marquis de Dangeau, ou encore à plus forte raison, le maître des cérémonies, qui est alors le baron de Breteuil. Dangeau propose une description relativement brève comme suit. Le roi donna audience aux ambassadeurs de Siam sur un trône qu'on lui éleva au bout de la galerie qui touche à l'appartement de Madame la Dauphine. L'ordre fut fort beau, et Sa Majesté dit qu'il en fallait louer Monsieur d'Aumont, premier gentilhomme de la chambre en l'année. Les ambassadeurs parlèrent fort bien. L'abbé de Lyon, le missionnaire, leur servit d'interprète. Ils demeurèrent au pied du trône jusqu'au moment qu'ils présentèrent au roi la lettre de leur maître. Ils montèrent pour la lui rendre jusqu'à la dernière marche. Personne à l'audience ne fut couvert que le roi, qui ôta son chapeau une fois ou deux seulement. Les Siamois témoignèrent un profond respect par toute leur mine et s'en retournèrent jusqu'au bout de la galerie des glaces, toujours à reculons, ne voulant pas tourner le dos au roi. On retiendra dans cet extrait la description sommaire du cadre. L'ordre fut fort beau, dit Dangeau, et le peu d'acteurs retenus, le roi, les ambassadeurs, l'abbé de Lyon. L'évocation faite par Dangeau de la scène reprend également la présence du duc d'Aumont, dont l'abbé Bignon est un membre régulier du salon. On peut penser d'ailleurs à juste titre qu'il s'inspire du fonctionnement du salon du duc d'Aumont pour rédiger en partie le règlement de l'Académie en 1701. Sans doute, le duc d'Aumont aura-t-il été d'un précieux secours aux académiciens pour la confection, ou du moins pour la relecture de cette médaille sur l'ambassade de Siam. La description de Breteuil, donc père de la célèbre Madame du Châtelet, mais aussi ce qui nous intéresse ici à un titre plus important, maître des cérémonies et introducteur des ambassadeurs, est quant à elle beaucoup plus circonstanciée. Alors je ne la lirai pas dans sa totalité parce que l'heure est avancée. Outre le passage sur le maréchal de La Feuillade qui va à la rencontre des ambassadeurs pour les conduire à Versailles, de l'évocation de la curieuse pyramide sur roulette qui transporte la lettre de Franarail pour Louis XIV, ou encore de la toilette des ambassadeurs avant leur rencontre avec le roi Soleil, ce qui retient notre attention dans le texte de Breteuil, c'est la qualité de la description de la galerie. Il revient notamment sur le fameux mobilier d'argent qui est également bien figuré par les académiciens sur la médaille. Autre aspect singulier dans la description de Breteuil, il souligne fortement les gestes révérencieux des ambassadeurs de Siam, des génuflexions, le visage baissé, les mains portées au visage, etc. Mouvement évidemment relativement difficile à rendre sur un objet aussi figé que la médaille. Il revient également, Breteuil, sur l'évocation d'un public extrêmement nombreux qui participe à cette cérémonie. Le dauphin, les princes du sang, les courtisans qui forment une haie, si bien que quand les ambassadeurs de Siam reculent, à un moment donné, ils vont percuter les courtisans, et c'est le seul moment où ils tournent le dos au roi pour éviter, si vous voyez, qu'il y ait un incident malencontreux. Or, dans la médaille, comme pour celle des Génois tout à l'heure, on s'aperçoit que le roi est bien seul face aux ambassadeurs, comme pour souligner sa majesté, le fait qu'il est l'incarnation de la politique étrangère du royaume, qu'il prend ses décisions seul. Au passage, rappelons qu'une médaille entière est consacrée à la descendance royale, qui ne peut donc pas s'offusquer de son absence sur cette médaille, alors qu'elle était bien présente donc, lors de l'ambassade de Siam. La solitude du pouvoir est ici renforcée par la composition de la médaille, qui au final est relativement dépouillée par rapport aux descriptions qui évoquent la richesse du décor dressé pour l'occasion. En médaille, le roi est assis sur son trône, entouré certes de mobilier d'argent, mais j'ai envie de dire d'un peu de mobilier d'argent, et plus de la moitié de la médaille est en fait consacrée à la galerie elle-même et à la prouesse technique des immenses glaces qui reflètent donc les fenêtres donnant sur les jardins. Si la gloire royale émane du souverain et de sa réception des ambassadeurs, elle transparaît aussi, me semble-t-il, directement dans le lieu de pouvoir qu'est la galerie des glaces. À ce titre, il nous semblait intéressant ici de comparer la médaille aux autres représentations iconographiques de l'événement, qui, à l'instar des médailles, cherchent à éterniser la geste louis-XIVienne. Tapisseries, peintures, bas-reliefs, etc. On peut penser d'ailleurs à juste titre que toutes ces représentations iconographiques se nourrissent les unes des autres, et donc il y a là aussi inspiration des académiciens pour les académiciens. Alors, passer en revue la totalité de ces représentations aurait pu donner lieu à une autre communication. Je me contenterai donc ici d'aborder l'un des deux bas-reliefs de la statue équestre de Louis XIV, commandé par les États de Bretagne à Coissevaux en 1689. Il y a un bel article de feu Michel Jacques Ergualch sur cette question. La statue et le bas-relief en question sont ainsi décrites par Jean-Baptiste Fermel-Huy dans son éloge funèbre de Coissevaux en 1721. On reconnaîtra les soins assidus que Coissevaux prenait pour découvrir les beautés de la nature dans les prodigieuses études qu'il fit pour la figure en bronze du roi Louis XIV, qui lui fut ordonnée en 1689 par les États de Bretagne. Cette statue de 15 pieds de haut est montée sur un piédestal. Il l'a ornée, ce piédestal, de deux magnifiques bas-reliefs, dont l'un représente la France qui conduit le char de Neptune, et l'autre, l'audience donnée par le roi à l'ambassade de Siam. Un peu plus bas, l'audience de l'ambassade accordée par le roi à l'ambassadeur de Siam et l'époque de cet ouvrage, les portraits ressemblants de tous les seigneurs et de la cour et des ministres qui y accompagnaient le roi, témoignent combien cette audience fut paraître auguste à ces étrangers dont les rois ne se communiquent pas même à leur sujet. Et celui du sculpteur est une preuve que par sa présence, il eut l'occasion de remarquer toutes les circonstances de cette célèbre assemblée, parmi lesquelles on peut observer une singulière, c'est la représentation d'un tableau qui était dans la salle où l'on voit le mariage de Louis XII avec Anne de Bretagne qui fit passer cette province sous domination de la France. Alors ici, c'est la gravure du Mercure. Et ici, donc, le fameux bas-relief de Coissevaux. Alors j'ai épuisé la représentation donc, dans cet article de spécialiste donc, des relations entre la France moderne et le royaume de Siam. Donc elle n'est pas de très bonne qualité, mais on aperçoit quand même effectivement au centre de la représentation Coissevaux qui est en train de déplier donc, un rouleau qui représente la statue équestre avec le piédestal. Et donc le roi assis sur le trône qui semble produire un geste de la main, les ambassadeurs sont quant à eux représentés à l'arrière de Coissevaux. Ce bas-relief est conservé au musée de Rennes. Il offre des proportions suffisamment larges, 2,18 m de largeur, 1,36 m de hauteur, pour permettre à Coissevaux d'y faire apparaître les divers acteurs de l'événement, ce qui était probablement beaucoup plus difficile sur un module de 41 mm, au risque d'ailleurs de confondre les princes du sang et les courtisans, donc de ne pas respecter les règles de bienséance. Or, on le sait, à ce sujet, un Saint-Simon, par exemple, mais d'autres courtisans, sont soucieux de ses affaires. Saint-Simon, capable de tenir en haleine son lecteur sur ses affaires de courtisanerie, qui peuvent paraître parfois bien ternes, mais qui sont toujours fort agréables à lire sous sa plume. Saint-Simon, qui était revenu notamment sur une négligence de Saint-Eau, alors maître des cérémonies, qui avait accepté de consigner la description d'une tapisserie qui ne respectait pas le bon déroulé de l'audience du légat pontifical à Fontainebleau en 1664. Alors j'avais relevé tout le passage en Saint-Simon, mais nous en ferons l'économie, si vous permettez. Alors revenons donc à notre ambassade de Siam. Audace de Coissevaux, qui se représente ici sur le bas-relief au pied du trône entre les ambassadeurs et le roi lui-même, présentant donc le projet de sa statue équestre, Scène évidemment fictive, d'ailleurs probablement Kosovo n'était pas là lors de l'ambassade de Siam. Les académiciens, bien que reçus par le souverain, s'effacent quant à eux toujours derrière leur royal mécène, y compris d'ailleurs dans la médaille sur la fondation de l'Académie des inscriptions, où ils préfèrent figurer leur institution au travers d'une représentation allégorique faisant appel aux divinités antiques, de même d'ailleurs que dans le jeton de présence de l'Académie. Comme le soulignait Peter Berg dans ses travaux, il y a un revers de la médaille à ces productions Louis XIViennes. Et comme l'a travaillé plus récemment Isor Boitel dans son ouvrage sur les images noires de Louis XIV. Ce serait là encore un sujet de communication que de replacer donc Versailles non seulement au cœur de cette légende noire, mais également de le replacer dans la plus longue durée en voyant comment d'autres souverains européens ont pu s'inspirer de ces représentations, voire la descendance de Louis XIV lui-même ou après lui. On parlait tout à l'heure de l'histoire métallique de Napoléon, voir quelles pourraient être les résurgences de ces représentations donc de palais dans l'histoire de l'empereur. Nous n'évoquerons seulement que par plaisir, et pour quasiment terminer notre propos, cette médaille donc Venit vidit sed non vicit, répertoriée par Van Loon dans son histoire métallique des 17 provinces des Pays-Bas, qui représente Louis XIV revenant de l'infructueuse campagne des Pays-Bas en juin 1693. Au premier plan, le roi est debout dans un char, tiré par ses maîtresses, tandis qu'à l'arrière-plan, comme pour mieux souligner le ridicule de la scène et représenter le château de Versailles dans toute sa splendeur, comme si finalement, même ses contre-propagandistes, si je puis dire, n'arrivaient pas à railler le majestueux temple de l'absolutisme français. Alors si Versailles est la figure monumentale du roi, comme nous l'a montré Gérard Sabatier, les médailles ne font quant à elles monument qu'une fois mises en série. À une époque où la monarchie entre financièrement dans des eaux troubles, les médailles, comme les grands œuvres architecturaux du début du règne, viennent éterniser la mémoire royale, mais ici évidemment à moindre coût. Rien d'étonnant alors que par un reflet de miroir, elles accordent une place au palais du roi Soleil. Si Versailles nous était compté par les médailles, sans doute ne serait-ce pas le palais exceptionnel bâti pour accueillir le plus grand roi du monde, comme le proclamaient les panégyristes du temps. Tout au plus, une demeure royale parmi d'autres, se distinguant finalement peu dans l'histoire métallique. Alors pourquoi ? Sans doute pour commencer parce que les académiciens veulent rester au plus proche des événements, être les moins allégoriques et les plus historiques possibles. Et alors, me direz-vous, rien ne les empêchait d'apporter néanmoins un peu plus d'or à ces représentations de Versailles. Mais les académiciens viennent à Versailles, mais ils ne siègent pas à Versailles. Eux, qui sont des serviteurs du pouvoir royal, sont relégués au Louvre. Alors en tirent-ils quelques amertumes ? La question reste en suspens. C'est difficile à dire, ça n'est pas improbable. On sait l'importance pour les courtisans d'être dans l'entourage direct du roi, ce qui avait d'ailleurs présidé à l'installation de la petite académie au Louvre dans les années 1660. Seule une étude plus approfondie des correspondances laissées par les académiciens permettrait sans doute d'avoir une vision plus fine de leur relation au palais de Versailles. Néanmoins, rendons à Versailles ce qui est à Versailles et aux académiciens ce qui est aux académiciens. La seule médaille représentant directement une demeure de Louis XIV, c'est la médaille de Versailles. Les autres résidences n'étant jamais qu'en arrière-plan, représentées éventuellement à l'intérieur. La seule résidence qui finalement, par sa simple figuration, parle de la monarchie absolue dans l'histoire métallique sans avoir besoin d'autres artifices ou d'autres éléments figuratifs, c'est la médaille de Versailles. Je vous remercie.